Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 162. De l'orgueil. Du péché de l'orgueil. Que l'orgueil est un vice spécial. Son siège, ses espèces. Il est un péché mortel. Le rang qu'il occupe. Pourquoi il est un vice capital? 1. L'orgueil est-il un péché? Ne laissez jamais dominer l'orgueil dans vos sentiments ni dans vos paroles. Tobie 4, 14. La superbe, en latin superbia, que nous traduisons par l'orgueil, indique une tendance à s'élever au-dessus de ce que l'on est. La droite raison nous prescrit de ne vouloir que ce qui est proportionné à nos forces. L'orgueil veut ce que la raison désapprouve, il est évidemment un péché. Note. Le mot orgueil se prend quelquefois dans un bon sens, pour signifier une surabondance de bien ou de gloire, comme, par exemple, dans cette parole du prophète Isaïe, « Je ferai de toi l'orgueil des siècles. » Isaïe 60:15. Il y a, dit saint Jérôme, un bon et un mauvais orgueil. La raison doit servir de règle à nos désirs naturels. S'en éloigner en plus ou en moins, c'est un acte mauvais. L'orgueil désire l'excellence dans un degré que la raison n'approuve pas. On peut le définir, un désir ou un amour déréglé de l'excellence propre. Il est opposé tout à la fois à l'humilité et à la magnanimité. Il méprise la soumission, et il veut s'élever aux grandes choses d'une façon déréglée. Fin de la note. 2. L'orgueil est-il un péché spécial? Comme désir déréglé de l'excellence, l'orgueil est un péché particulier, il a un objet spécial. Il est aussi un péché général, qui peut être la cause de tous les autres, soit directement, soit indirectement, directement, puisque tout désir déréglé peut être rapporté à notre propre excellence, indirectement, par le mépris de la loi divine. 3. L'orgueil appartient-il à la faculté irascible? L'orgueil, ayant pour objet une chose difficile, l'excellence propre, appartient de quelque façon à l'appétit irascible. Si le bien qu'il poursuit était toujours un bien sensible, il y existerait purement et simplement, mais, comme ce bien est parfois un bien de l'ordre spirituel, ce vice a son siège dans l'irascible uni à l'appétit rationnel, qui est la volonté. Voilà pourquoi les démons eux-mêmes sont orgueilleux. Note. De ce que l'orgueil est un obstacle à la connaissance de la vérité, il ne suit pas qu'il existe dans la raison plutôt que dans l'appétit irascible. Il est un obstacle indirect à la connaissance spéculative, parce qu'il en soustrait la cause. L'orgueil ne veut soumettre son intelligence ni à Dieu ni aux autres hommes. Il est un obstacle direct à la connaissance affective, le superbe, n'aimant que sa propre excellence, aborde celle de la vérité. Tandis que l'humilité suit la droite raison, qui donne à l'homme la vraie connaissance de lui-même, l'orgueil en dédaigne les lumières, pour estimer ses forces au-delà de ce qu'elles sont, on croit aisément ce que l'on désire avec ardeur. De là, les orgueilleux se portent à des entreprises où il ne leur est pas donné d'atteindre. De là vient encore que tout ce qui porte l'homme à s'estimer trop est une cause d'orgueil, par exemple, la considération des défauts d'autrui. Ainsi l'orgueil même n'est pas dans la raison, mais seulement l'une de ses causes. Aussi a-t-on coutume de le définir, un amour de l'excellence propre, parce qu'il a la prétention de l'emporter sur les autres. Fin de la note. 4. Saint Grégoire a-t-il raison de distinguer quatre espèces d'orgueil? Saint Grégoire a très bien distingué quatre espèces d'orgueil, qui sont, estimer comme de soi ce que l'on tient de Dieu, croire que l'on a acquis par ses mérites ce que l'on en a reçu gratuitement, s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, mépriser les autres, pour paraître seul en possession de quelques biens. Note. Saint Bernard assigne à l'orgueil 12 degrés, qui, correspondant à ceux de l'humilité, commence aussi par l'extérieur. Premier, la curiosité, qui jette les yeux de tous côtés, au lieu de les tenir baissés. Deuxième, la légèreté d'esprit, qui parle avec trop d'assurance. Troisième, la folle joie, qui rit facilement. Quatrième, la jactance, par laquelle on parle trop de soi, et sans être interrogé. Cinquième, la singularité, par laquelle on veut se distinguer des autres, en ne suivant pas la voie commune. Sixième, l'arrogance, par laquelle on se préfère à tous les autres, au lieu de se croire moins digne qu'eux. Septième, la présomption, qui se croit capable des plus grands emplois. Huitième, l'excuse de ses péchés. Neuvième, la confession feinte, qui fait semblant d'avouer une faute pour s'épargner une punition. Dixième, la rébellion, opposée à l'obéissance. Onzième, l'amour de sa volonté propre. Douzième, l'habitude de pécher, contraire à la crainte de Dieu. Fin de la note. 5. L'orgueil est-il un péché mortel? Le propre de l'humilité est de se soumettre à Dieu. L'orgueil, qui manque de cette soumission et qui s'élève au-dessus des règles divines, est dans son genre un péché mortel. Selon l'Écriture, son commencement consiste à s'éloigner de Dieu. Ecclésiastique 10, 13. Il arrive cependant que, comme dans les autres péchés mortels, certains mouvements d'orgueil, auxquels la raison ne consent pas pleinement, ne sont que des fautes vénielles, par imperfection de l'acte. Note. L'orgueil est toujours contraire à l'amour de Dieu, comme rébellion contre la loi divine. Parfois aussi il est contraire à l'amour du prochain, car l'orgueil se met au-dessus des autres et se soustrait à leur autorité. Fin de la note. 6. L'orgueil est-il le pire de tous les péchés? L'orgueil ne serait pas le péché le plus grave, s'il consistait seulement dans l'élévation désirée avec excès, ce désir n'a pas en soi une très grande incompatibilité avec la vertu. Mais rien n'en dépasse la gravité, du côté du renoncement à Dieu. Dans les autres péchés, l'ignorance, la faiblesse, le désir de quelque bien, voilà ce qui éloigne de Dieu. Dans l'orgueil, on s'en sépare uniquement pour ne se soumettre ni à lui ni à sa loi. Ce vice est le seul qui nous met en opposition directe avec Dieu même, et c'est pour cela que Saint Jacques 4, 6, disait « Dieu résiste aux superbes ». Ce qui n'est qu'une conséquence dans les autres fautes constitue son essence même. Il a pour premier acte de mépriser Dieu et ses commandements. Par conséquent, il est, de sa nature, le pire de tous les péchés. Note. Dieu, pour en montrer la gravité, permet que les orgueilleux, qui ne sentent pas leur faute, tombent dans d'autres péchés plus honteux, quoique moins graves, par exemple, dans ceux de la chair, afin qu'étant humiliés, leur confusion les aide à se relever. Ainsi un médecin sage laisse son malade contracter une infirmité plus légère, dans le but de le guérir d'une maladie très grave. Il est difficile d'éviter l'orgueil, il tend des pièges même aux bonnes œuvres et se glisse jusque dans la vertu. Notre raison nous en signale-t-elle les mouvements secrets, nous devons les repousser, soit par la considération de notre faiblesse, en nous servant de cette parole. Pourquoi à la terre et la cendre s'enorgueillit-elle? Ecclésiaste 10, 9, soit par la considération de la grandeur divine, selon cette autre parole, ton esprit aura-t-il l'audace de s'élever contre Dieu? Job 15, 15, soit enfin en nous rappelant combien sont fragiles les biens de ce monde, ainsi que le marque mot d'Isaïe 40, 6, toute gloire passe comme l'herbe des champs. Fin de la note. 6. L'orgueil précède-t-il tous les péchés? L'orgueil, dit la Sainte Écriture, est le commencement de tout péché. Ecclésiastique 10, 15. En effet, ce qui existe de soi est, en chaque genre, ce qu'il y a de premier. Or l'éloignement de Dieu, qui contient la notion même du péché, appartient proprement à l'orgueil et ne se rattache aux autres péchés que par voie de conséquence. Il s'ensuit que l'orgueil est le premier péché et le principe des autres péchés. Note. Ce n'est pas que chaque péché en naisse nécessairement, mais il peut les enfanter tous. Il reste le dernier dans ceux qui reviennent à Dieu, et il est le premier dans ceux qui s'en éloignent. Fin de la note. 7. L'orgueil est-il un vice capital? Saint Grégoire ne compte pas l'orgueil parmi les péchés capitaux. On peut, en effet, l'envisager de deux façons, d'abord en lui-même, comme péché spécial, puis dans l'influence universelle qu'il exerce sur tous les péchés. Si on le considère en lui-même, comme péché distinct, on doit le compter au nombre des péchés capitaux, péchés spéciaux qui donnent naissance à plusieurs autres. Sous le rapport de l'influence générale qu'il exerce sur tous les vices, Saint Grégoire en a fait avec raison le roi et le père de tous les péchés. Quand le roi des vices, qui est l'orgueil, dit-il, s'est emparé complètement du cœur de l'homme, il le donne à dévaster aux sept vices principaux qui sont comme ses généraux d'armée et d'où sort la multitude des autres vices. Note. Ceux qui ne comptent pas l'orgueil au nombre des péchés capitaux le remplacent par la vaine gloire. L'orgueil désire l'excellence avec dérèglement, la vaine gloire en désire seulement la manifestation, l'orgueil est la cause de la vaine gloire. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.